Là-haut, la prochaine émission, c'est une présentation de MMAnouvelle.com. Pour tout savoir sur le MMA, c'est pas compliqué. Vous vous servez de votre clavier, vous vous rendez sur MMAnouvelle.com. Puis là, s'ouvre à vous une nouvelle vie des jeux, des paris virtuels. Si vous voulez connaître vos capacités, vos connaissances sur le MMA, il y a également des quiz. Tout pour redécouvrir la vie, on vous invite sur MMAnouvelle.com. Bonne émission. On a en entrevue le gérant de Guillaume De Lorenzi, puisqu'on a appris dans les dernières heures que Guillaume De Lorenzi, la fierté de Québec, ne pourra disputer son combat pour le prochain événement de Ringside qui va avoir lieu le 30 janvier prochain à Montréal. Alors, avant de saluer Joey, évidemment, j'introduis mon comparse de tous les moments, Frédéric Garcia, et on salue tous ensemble Joey Benoît. Alors, bonjour Joey. Bonjour. Alors, est-ce que c'est possible de nous en dire un peu plus sur la blessure de Guillaume? Ben, tout ce que je peux vous dire, parce que c'est sûr que depuis que la nouvelle est sortie, tout le monde me pose la même question ou si Guillaume se fait poser la même question. Dans le fond, Guillaume, ça fait 2 semaines qu'il a subi une blessure à l'entraînement, vendredi, là, 2 semaines au sparring où tous les professionnels sont très forts. Et lors d'un sparring, il a fait un mouvement brusque qui a causé une blessure dans le haut du corps. Et sur le coup, on pensait pas que c'était si rare que ça, mais comme toute blessure qu'on a déjà tout subi un peu, c'est le lendemain matin en se levant qu'on s'est aperçu, ben lui, premièrement, il s'est aperçu que ça faisait beaucoup plus mal qu'il pensait. Fait que il s'est rendu à l'hôpital, ils ont examiné, ils ont mis des anti-inflammatoires pour essayer de voir si ça pourrait diminuer. Et 2 semaines après, ça avait toujours pas réduit. Et en fin de semaine, il était de retour à Québec. Comme vous savez, Guillaume, il redescend à Québec cette fin de semaine. Fait qu'il a essayé de voir faire un peu de sparring au Nordic Fight Club. Et tout semblait bien aller, mais lundi matin, en se relevant encore une fois, la blessure était trop intense. J'ai communiqué avec lui pour voir comment il était. Première affaire qu'il me dit, il dit je vais faire le combat quand même, mais j'ai mal. Fait qu'à partir de là, moi et Firas, on a discuté, l'entraîneur de Guillaume, on a regardé tout ça, on s'est dit, Guillaume ne peut pas combattre à 60% juste en pensant pour le présent, en pensant comme on sait que les fighters veulent se battre, l'argent, ainsi de suite. On a dit, il faut penser à sa carrière à plus long terme, parce que comme tout le monde le sait, Guillaume, il a un futur devant lui, c'est un athlète qui est dédié à son sport, très talentueux. Fait qu'on a décidé d'un commun accord, moi, Guillaume et Firas. Et puis, la réaction de Ringside dans tout ça, d'abord, quand est-ce qu'ils ont appris la nouvelle? Et j'aimerais savoir un peu leurs états d'âme à propos de ça. C'est sûr que moi, quand on a décidé, parce qu'on a laissé le libre choix à Guillaume de décider s'il voulait faire le combat ou pas, moi et Firas, on lui a suggéré. On lui a dit selon ce qu'on voyait, ce qu'on pensait, ce qui serait bien, ce qui serait pas bien en tant que tel pour Guillaume. Fait qu'il nous a demandé un certain temps de réflexion. Il nous est revenu dans la journée, puis il nous a dit, ben écoutez les gars, je vais aller avec ce qu'il m'avait dit, puis je vais penser à mon futur. Tout de suite, immédiatement, mon premier réflexe a été d'appeler Ringside pour les informer. C'est sûr que Ringside était, comme ils ont fait, il était vraiment... Il en revenait pas en tant que tel, sauf que il était un peu au courant que Guillaume avait une blessure puis qu'on ne savait pas ce que ça s'en allait avec ça. On attendait de jour en jour en espérant que ça y aille mieux puis que Guillaume, il était pour faire le combat, mais il était à 60% de sa capacité, Guillaume. Il n'aurait jamais été capable de faire 3 rondes ou même 5 rondes avec n'importe quel adversaire qu'il avait eu devant lui. Il aurait pu abandonner à tout moment parce qu'à cause de sa blessure, il aurait fait trop mal. Ils ont compris la situation. Oui, j'allais juste dire si tu pouvais nous dire si c'était quelque chose qui allait avoir besoin d'une chirurgie ou simplement du repos. Pour répondre à la question, cette semaine, la semaine prochaine, Guillaume il va rencontrer le médecin, le même médecin qui a opéré Patrick côté Jonathan Georges Saint-Pierre. Il va le rencontrer la semaine prochaine pour évaluer la blessure. Pour nous, en même temps, autant que moi au niveau de la gérance de Guillaume, puis autant pour Firas, pour l'entraînement, pour savoir exactement où est-ce qu'on en est avec cette blessure-là, où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce qu'on va faire, combien de temps ça va prendre de réhabilitation, et pour savoir planifier un peu le reste de l'année 2010 avec lui. Fait que pour le moment, on n'a pas de réponse là-dessus, tant aussi longtemps qu'il n'a pas vu le docteur Simard. Fait qu'à ce moment-là, on va être en mesure de pouvoir... Je vais pouvoir un peu vous revenir là-dessus et vous donner plus de feedback sur qu'est-ce qu'il y en est. Mais présentement, il n'y a rien vu. Là. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il peut pas. Il a encore mal à l'épaule. Même encore aujourd'hui, il a encore mal. Oh. On ne peut pas rien faire là-dessus. Bon, le haut du corps, ben là, ça se précise, c'est à l'épaule. Et ben, je pense que la bonne nouvelle, c'est sûr, c'est dommage, puis c'est une blessure, mais moi, j'ai craint que c'était peut-être sa blessure au genou qui était revenue. Mais du côté du genou, tout va bien. Si tu avais ça au genou, Guillaume a toujours, mais il a toujours mal partout. Mais je vous ai au genou, il est tout le temps vécu avec un certain malaise à son genou. Ouais. Toujours, t'es comme ça. Mais je vous dirais que dans le cas que le docteur Simard, la semaine prochaine, il fera pas juste regarder juste un endroit, il va regarder partout sur son corps, comme on dit, pour essayer de le remettre en marche, puis de le remettre à 100%. Guillaume est autant intense en combat qu'en entraînement. Fait que c'est sûr que inévitablement, c'est comme dans d'autres sports, quand les gens sont toujours à 100 000 à l'heure dans le tapis, il y a toujours quelque chose un jour. C'est ça qui est arrivé. Toi, tu as côtoyé beaucoup de combattants. Peut-être que tu peux nous parler un peu de leur esprit mental, justement, parce que tu as dit blessé, là, puis c'est vrai, ils doivent être toujours blessés avec divers bobos. Alors, ça doit être du monde assez fort mentalement. Si tu peux parler de Guillaume puis des combattants en général. Ben, en général, moi, je peux vous dire, c'est bien la question parce que 80% des combattants, ils subissent, comme on le dit tout le temps, c'est pas le combat qui est le plus dur, c'est l'entraînement. Tous les jours, ils sont toujours en situation de combat. Et un combat, c'est 15 minutes en principe, à moins d'être un combat de championnat. Fait qu'à tous les jours, ils sont au-delà d'un 15 minutes d'entraînement. Fait qu'ils sont toujours poussés à son maximum. Ils vivent avec les blessures à l'entraînement. Que ce soit une cheville, un mollet, les jointures, ça peut être les genoux, le haut du corps, le bas du corps. Ils vivent avec. La douleur fait partie de leur entraînement, mais la douleur fait partie aussi d'une adaptation à différentes situations, autant dans la vie, autant qu'en combat. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient mentalement capables de supporter pour être capables de toujours focusser sur l'esprit qu'ils ont de combattant et de toujours avoir une évaluation parfaite de l'adversaire envers les autres, même avec la douleur. Il faut toujours garder en contrôle, c'est comme le cardio. Il faut toujours avoir un excellent cardio pour être capable de toujours avoir l'esprit clair, pour toujours être capable d'affronter n'importe quelle situation. La douleur fait partie de la chose. La douleur fait partie de l'entraînement, fait partie des combats. Ils vivent avec. C'est une partie importante. Comme l'entraînement est très important, la douleur est une chose qui est très importante. Parce que s'il y a tous les fois qu'un combattant arrêterait parce qu'il y a une petite douleur, il y en aura plusieurs qui arrêteraient tous les 5 minutes. Là. Et continue. Et justement, toi, en tant qu'agent, sûrement, j'imagine que tu dois quasiment les arrêter parce qu'eux autres veulent sûrement continuer, même s'ils ont des blessures qui peuvent devenir sérieuses, justement, en continuant. Oui, exactement, parce qu'ils veulent toujours combattre même avec une blessure. Même avec une blessure grave, je vous dirais qu'à 90% habituellement, quand le seul moyen qu'eux autres, même mentalement, ils vont dire qu'ils n'iront pas se battre, c'est s'ils ont un membre cassé. Parce qu'ils sont dans le plat, ils savent très bien que le médecin de la région va lui dire parce que tu ne peux pas te battre. Mais en principe, pour eux autres, un mal musculaire, ça fait partie de la vie. Mais il y a des mal musculaires qu'il faut faire attention parce que si tu l'aggraves, tu peux aggraver pas un le membre ou la partie de l'athlète. C'est que même son futur dans le sport peut être hypothéqué. Et à long terme, fait que c'est à là de moi de l'informer, de dire. Surtout mon point de vue, parce que j'ai tout le temps, moi, je me bats pas, c'est eux autres qui se battent, c'est eux autres qui mangent les coups, c'est eux autres qui sont face à l'adversité, c'est eux autres qui sont face à tous les jours à une certaine, pas urgence, mais une certaine pression qu'ils doivent vivre, que moi, je ne vis pas, mais je dis toujours, si tu es prêt à vivre cette intensité-là pendant 3 rounds de temps, sans douleur, sans crainte, on y va. Mais si tu penses que tu pourras avoir mal, puis tu pourras abandonner parce que tu penses que tu seras pas capable de te faire, on est mieux de faire un pas par en arrière pour en faire 3 par en avant. Maintenant, bon, le cas de Guillaume de Lorenzi, on va le suivre évidemment pour savoir combien de temps ça va lui prendre pour se rétablir de cette blessure-là. Mais il y a également un autre de tes combattants, Joey, qui devait être sur la carte. Il s'agit du judoka Stéphane Chrétien, qui devait disputer, je pense, c'est son troisième combat, si je me trompe pas, en carrière. Exactement. Et bon, Exactement, oui, c'est dans ça. son cas, je ne sais pas si tu peux nous éclaircir la situation ou Ben, oui, je peux vous expliquer parce que là, le monde semble un peu confus parce que c'est comme si on semblait dire que Stéphane, il vient de, comme on dit, de se rétracter sur son combat. Depuis avant les fêtes, que Wingfield était au courant que Stéphane ne pouvait pas se combattre le 30 janvier. Et c'est pas parce que Stéphane ne pouvait pas, c'est qu'il avait une raison personnelle, familiale. Okay. Alors, comme il ne pouvait pas s'entraîner adéquatement pour le combat, on a préféré pas poursuivre et être sur la carte du 30 janvier. Prochainement, Stéphane, on va l'annoncer, il va être sur d'autres cartes parce qu'il va reprendre l'entraînement. Mais à ce moment-là, quand Stéphane m'a informé de la raison, je dis, c'est comprenable, il peut même pas faire 5 heures d'entraînement par semaine. Oui, Alors, d'ailleurs, lorsqu'on lui a parlé, effectivement, là, Stéphane, ça fait déjà quelque temps, là, c'était pas à propos de ce combat-ci, mais c'est un gars occupé, puis il est encore impliqué dans le judo, puis je pense qu'il venait d'avoir un enfant. Alors, ben, on comprendra, ça fait du stock, hein? oui, ben c'est ça. Il vient d'avoir un enfant et sa conjointe est encore enceinte présentement. Fait que tout ça mélangeant ça avec le judo, avec le travail, l'entraînement, sont déjà son enfant qui est là et l'autre qui s'en vient, c'était comme trop pour l'instant. Fait qu'il préférait plus se concentrer sur d'autres choses, gérer un peu plus sur sa famille et ainsi de suite. Et à partir de là, une fois que tout va être stabilisé, il a déjà recommencé à s'entraîner, mais pas un entraînement compétitif, mais un entraînement pour se maintenir en forme. Et prochainement, il va recommencer à être prêt pour un éventuel combat. Il reste toujours, je pense, parmi vos clients, il y a François Haché-Lacombe qui devrait être là pour affronter le gars de l'Abitibi, Stéphane Pelletier. Oui, le 30 janvier, j'ai sous Fight Sport Management, il y aura François Haché qui va affronter Stéphane Pelletier lors de l'événement Ringside, lors de l'événement de la MFL le 27 février. Ça va être le retour de Nordine Taleb. Nordine, ça faisait quand même un peu plus d'un an qu'il n'était pas en action, fera un retour dans la catégorie des 185 livres. C'est suite à une Mais après blessure qu'il ça. s'est absenté, Nordine. Je m'excuse de t'interrompre parce que c'était une blessure, parce qu'on nous dit beaucoup de bien de Nordine Taleb, là, qui un gars Non, c'est solide. pas une blessure, c'est qu'il y a différents aspects. Nordine était supposé de se battre sur certaines cartes de certaines organisations. Ça s'est cancellé, soit que l'adversaire ne s'est pas présenté, ou là, les événements, les organisations n'ont pas pu continuer. Fait que chaque athlète s'entraîne dans le but de combattre. Puis quand ça fait un an que tu combats, il n'y a pas de combat, fait qu'il y en a certains qui se sont découragés ou pas. Puis le kit est Nordine, mais il est revenu à l'entraînement avec puis il est fin prêt. Écoute, je peux vous dire, pour certaines personnes, ils l'ont jamais vu dans une shape comme ça. Moi, je l'ai vu encore dernièrement. Il est vraiment incroyable. Il est prêt. Ce 2010 devrait être son année parce que Nordine devrait être fort occupé. J'ai eu beaucoup de demandes pour lui pour les prochains événements. Il va être là le 27 février, tout comme Mark Fraser qui va faire un retour. Et François, on m'avait dit pour parler pour que François Haché soit aussi sur la carte de la Oui, NFL. face à Pierre-Étienne Marcoux, c'est une Oui, mais probabilité. j'ai su la semaine passée que ce ne sera pas contre Pierre-Étienne Marcoux. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on m'a juste dit que Pierre-Étienne Marcoux ne pourra pas combattre lors de l'événement de la NFL. Fait que j'attends toujours d'avoir le nom de la prochaine adversaire pour François. Il y a des grosses chances que François aussi, ce soit lors du 30 janvier, ce soit quand même son dernier combat à 135 livres. Il aimerait qu'on aille dans la division des 145 livres. On va voir en temps et lieu. Et j'ai toujours aussi le 20 mars, lors de l'événement de Wire One à Montréal, qui vont faire leur entrée. Ça va être le retour de Brent Beauparlant. Brent Beauparlant va faire son retour le soir du 20 mars. Il affrontera Sean Marchand, un athlète de 8-3 de l'Ontario. Et bien entendu, au mois d'avril, il va avoir un grand retour, le retour de Valérie Letourneau, Et ça, qu'on c'est à sait. quel endroit? Parce qu'on m'a dit qu'il y a peut-être un événement à Québec. Je ne sais pas si tu es au courant, Joey. Oui, je suis au courant, mais je suis pas le promoteur, fait que peut-être que ça serait permis au promoteur d'annoncer l'événement qu'il va y avoir à Québec. Mais tous les événements que je vous parle présentement, c'est pas ces organisations-là qui vont être à Québec. OK. Wire One va être à Montréal et l'événement que je vous parle pour le 13 avril avec Eric Kamenus, que Valérie devrait faire son retour à la compétition, ça va être à Gatineau. Donc, D'accord. passer comme ça en tant que tel. Beaucoup d'actions, il y a beaucoup d'actions, il y a beaucoup de talent maintenant au Québec, puis bon, de l'Ontario, puisqu'il ne peut pas encore, les Ontariens malheureusement, puis heureusement un peu pour les Québécois, ben, ils ne peuvent pas nécessairement œuvrer dans leur territoire. Alors, ben, ça permet d'avoir encore plus de talent ici au Québec. Est-ce qu'il y a assez d'événements professionnels au Québec? Parce que là, bon, des fois, on est quelques mois où il n'y a pas vraiment d'événements professionnels. Est-ce que pour tes clients, puis pour l'ensemble des combattants en MMA qui combattent ici sur la scène québécoise, est-ce qu'il y a suffisamment d'événements? Moi, en tant que pour ma firme de management, moi, les événements que là, c'est parfait. Il y en a suffisamment parce qu'en plus de pouvoir mettre mes combattants sur les cartes au Québec, moi, j'ai eu la chance, j'ai beaucoup de contacts qui étaient dans d'autres organisations avant, de pouvoir les placer soit dans l'Ouest canadien, ou soit dans l'Est canadien, et même aux États-Unis, prochainement, il y aura certains des combattants qui vont se retrouver sur des cartes un peu moins majeures que les organisations aux États-Unis, mais ils vont être sur des cartes aux États-Unis. Fait que, oui, je vous dirais que présentement, j'ai pas ce problème-là. Puis en plus, ben les athlètes que j'ai, j'y vais avec ceux qui sont prêts pour l'entraînement et prêts à combattre. Certains y recommencent, certains y recommencent pas. Fait que j'ai une liste de combattants qui peuvent combattre, exemple, au mois de mars ou au mois d'avril. Jusqu'à date, tous ceux qui m'ont dit qu'ils étaient prêts à se battre officiellement pour avril ou mars ou même mai, ils sont à 80% bookés, là. On attend juste d'avoir des contrats pour les annoncer, et ainsi de suite. J'ai pas la problématique là en tant que telle. C'est sûr que il y aura jamais assez d'organisation pour permettre aux combattants de pouvoir s'exposer et pouvoir montrer là, leur talent. Mais s'il y en a d'autres, tant mieux. On a toujours en masse de clients pour les fournir. Comment tu t'assures, parce que c'est beaucoup d'organisations locales, comment tu t'assures de matcher tes gars contre un adversaire qui est pas trop fort ou de quoi? Est-ce que tu connais toujours les adversaires qu'ils vont affronter ou des fois tu prends une chance? Ou... Je prends jamais de chance. Chaque adversaire qui est devant mes combattants, c'est sûr que par expérience, comme vous savez un peu, j'ai déjà été matchmaker dans d'autres organisations, fait que je connais beaucoup d'athlètes, fait que je connais leur force et leur faiblesse. C'est quand même encore présentement un peu les mêmes adversaires, les mêmes combattants qui se présentent. Chaque adversaire qui est présenté devant moi, j'évalue toujours soit par rapport avec leurs fiches qu'ils ont eues auparavant, la qualité des adversaires qu'ils ont eues, et aussi par les bandes vidéo que je vois. À partir de là, j'évalue toujours si tel adversaire est bon ou pas bon pour mon combattant. Et moi, je remets toujours mes recommandations aux combattants. Dès que j'ai une offre, je l'évalue, je donne la recommandation si je crois que c'est bien ou pas bien au combattant. À partir de là, lui, il discute avec son entraîneur. Il me revient avec une décision. Et à partir de là, si c'est positif, je continue la discussion avec l'organisation. Si c'est un négatif, ben, on lui dit, ben, revenez-nous avec un autre adversaire. Parce qu'on croit que l'adversaire qui est proposé n'est pas adéquat pour notre combattant. J'ai un exemple qui rentre en tête. C'est le dernier ou l'avant-dernier combat de Yannick Galipo, je pense. Il affrontait un dernier Nick Ring, si je me trompe pas. Oui. À ce moment-là, je pense qu'il y avait une fiche comme 10-0. Là. Ben, je dis ça comme ça de mémoire. Cette décision-là, est-ce que c'était un risque que vous avez pris? Parce que, bon, évidemment, je pense que là... Parce que ce gars-là, je pense qu'il avait également, je sais encore de mémoire, mais plusieurs de ses victoires avaient été acquises par soumission. Et ben comme de fait, je pense qu'il a réussi à soumettre Yannick Galipo. Explique-moi justement comment ça s'est fait, cette entente-là pour ce combat-là. Ben premièrement, quand j'ai eu l'offre, j'ai trouvé que c'était parce que Nick Ring, je le connaissais par connaissance. Et je savais que Nick Ring, c'est un athlète qui est très, très, très talentueux. Et Yannick était déjà dans une forme prêt à combattre parce qu'il était supposé se battre à la MFL. Comme vous savez, à la dernière minute, il n'a pas pu combattre. Oui. Et entre-temps, nous avons reçu l'offre pour qu'il se batte contre Nick Ring. Nick Ring, j'ai jamais hésité. Puis même si, je ne sais pas si tu avais vu la vidéo du combat, c'est quand même... Allez sur YouTube, vous allez voir que même pour l'organisation là-bas, il n'en revenait pas. Yannick a fait un coup qui a sûrement qui a appris quand il était dans le domaine du karaté. c'est quand même incroyable. Il était, je pense, à 30 secondes de complètement... en principe, il l'a knocké son adversaire, Nick Reed. Okay. Mais, sauf que Yannick, avec le manque d'expérience au niveau du sol, il s'est fait un peu avoir dans la situation. Mais le risque à calculer, et comme je vous dis, encore une fois, moi, quand j'ai reçu l'offre, j'ai évalué la situation, j'ai expliqué à Yannick qu'est-ce qu'il en était. J'ai dit, écoute, c'est sûr que son adversaire est très... Écoute, le step entre lui et Yannick était énorme. Lui, il a voulu prendre le risque parce qu'il s'est dit, écoute, si je réussis à le battre, tu vas me faire un nom et je vais avancer là-dessus. Le risque était là parce que Yannick n'est pas un athlète qui est aussi disponible que d'autres. Il travaille puis il y a beaucoup d'autres choses à faire. Fait qu'il avait pris la chance de dire, ben garde, si je peux le combattre, ça va peut-être me donner une autre lancée dans ma carrière. Quand j'ai vu la vidéo, moi, j'ai fait, j'en vois la poche, j'ai dit, écoute, il était à 30 secondes d'avoir passé pour, en anglais, on dit le upset de l'année. Il aurait sûrement été le upset de l'année parce qu'il l'aurait battu. Mais comme je dis, chaque athlète qu'on reçoit une offre, je ne prends jamais la décision finale. Je remets une recommandation et c'est l'athlète qui décide pas. Ben, tu l'as dit, Yannick Galipo, c'est un champion du monde de karaté Kyokushin. Et au sol, évidemment, je pense que plusieurs de ses défaites ont été subies, je pense, par son manque d'expérience au sol. Est-ce que il essaye de s'améliorer? Ben, j'imagine, là, il doit essayer de s'améliorer. Mais est-ce qu'il a la chance de passer suffisamment de temps à l'entraînement pour améliorer son sol? Parce que je pense que lorsqu'il a débuté sa carrière, l'organisation TKO, je pense, le voyait très gros. Puis, je me souviens d'avoir vu sur des pages de journaux où on basait la promotion, entre autres, sur Yannick Galipo. Oui, ben, je suis pas expérience parce que j'étais avec TKO dans ce temps-là. C'est moi qui ai remporté Yannick avec l'organisation TKO parce que je connaissais son entraîneur et ainsi de suite. Oui, Yannick était promu une belle carrière parce qu'il avait un stand-up incroyable. Même encore, je crois que c'est un des gars qui a les stand-up les plus forts en tant que tel. Mais oui, c'est vrai, il faut que Yannick améliore beaucoup son sol. Présentement, on est en train de réévaluer son entraînement avec l'équipe d'entraîneurs qu'il va avoir pour qu'il puisse prendre, comme on dit, un petit recul de l'activité des combats, mais pour augmenter l'entraînement au niveau du sol pour quand il va revenir en force, que Yannick puisse être un peu plus complet et prêt à affronter tout type d'adversaire qui va devant lui dans le futur qu'il va avoir. Justement, un gars comme Yannick ou un autre exemple qui a principalement des techniques debout comme expérience, combien de temps tu penses il a besoin de travailler son sol? Je veux dire, ça s'apprend-tu en un an, deux ans pour un bon athlète d'avoir une base en sol pour se défendre ou c'est plus long? Tout dépendant de la capacité d'adaptation de chacun en tant que tel. Si chaque athlète peut être dédié beaucoup à l'entraînement et vouloir apprendre, ça peut aller plus rapidement qu'un autre. Comme vous savez, Guillaume, je prends un exemple de Guillaume. Guillaume, ça fait pas tellement longtemps qu'il est dans le monde des sports de combat. Ça fait, je pense, à peu près 2-3 ans maximum. Avant ça, il n'était pas nécessairement dans le monde des sports de combat. Son partenaire Yannick, depuis qu'il est jeune, qui est dans le karaté, et ainsi de suite, ça fait qu'il a toujours été face à différents aspects des sports de combat. Enfin, ça dépend toujours de l'adaptation. On a certains qui apprennent plus vite, d'autres plus long. Ça va dépendre de Yannick s'il va souvent à l'entraînement, ce qui est dédié, puis il veut vraiment revenir, sur les rails pour être capable de performer à haut niveau. Il y en a que ça va lui prendre un an, il y en a que ça peut lui prendre un an et demi. Ça dépend toujours de l'athlète. On espère toujours qu'ils vont être capables. L'important, c'est d'être là à tous les cours. Dernièrement, je parlais avec Fierras, puis il me disait s'ils peuvent se présenter à un entraînement, ils vont beaucoup apprendre, beaucoup plus rapidement que venir une fois de temps en temps, puis en pensant que peut-être que ça va débloquer. C'est la répétition, c'est l'expérience qu'ils vont apprendre en entraînement qui vont beaucoup les aider lors des combats. Oui, ben, je suis d'accord avec toi. Puis je pense également ce qui te permet de t'améliorer encore plus rapidement. Comme tu l'as dit en tout début de l'entrevue, c'est de se donner à 100% dans chacun des entraînements parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent peut-être aller de manière très régulière dans leur cours, mais ils ne se donnent pas tout le temps à 100%. Mais lorsque tu y vas, puis tu es là à 100%, puis tu te donnes à 100%, comme tu sembles nous décrire Guillaume de Lorenzi, mais ça te permet d'apprendre beaucoup plus rapidement que quelqu'un qui va peut-être à ses cours, mais se donne pas complètement. Alors, c'est vraiment Ouais, les arts martiaux, il faut être authentique, puis il faut se donner complètement corps et âme, comme le fait Guillaume. Et ben, c'est la fierté de Québec, puis partie du Nordic Fight Club rendu au Tristar. Il y en a un autre également, un autre de tes clients, qui vient du Nordic Fight Club, qui est Guillaume Fortier, qui est lui, lorsqu'on lui a parlé, il nous a dit que c'était impossible pour lui de partir vers Montréal. Comment tu transiges comme ça avec tes clients? Parce que bon, il y en a un peu partout. Il y en a de quelques clients également de l'Ontario. Je pense à Mitch Gagnon. Oui. Est-ce que tu as une suggestion pour eux d'aller soit s'entraîner au Tristar? Tu as des clients également chez BTT Canada. Comment tu transiges avec tes clients? Est-ce que tu les diriges tous vers le Tristar ou ben, tu t'adaptes selon leur capacité puis selon ce qu'ils désirent? Y a aucune athlète que je vais diriger vers un endroit plus l'autre. Moi, je les prends de l'endroit qu'ils sont présentement. Je regarde la qualité de l'athlète. À partir de là, je vois où ce qu'ils en sont rendus, je regarde le force, le faiblesse, et ainsi de suite. Si je vous donne un exemple, Guillaume Fortier, c'est une très bonne un exemple parce que Guillaume qui avait commencé, on semblait voir qu'il avait une très bonne force au niveau du sol. Et tout de suite après le combat, j'avais dit à Guillaume, il va falloir que pour performer dans ta division, il va falloir qu'à ton retour à ton gym, que tu améliores ton stand-up. Et ce qu'il a fait avec ses entraîneurs, avec les personnels en place. Je ne suggère pas d'un athlète d'aller à un endroit plus qu'un autre, à moins qu'il me le demande et qu'il me dise, écoute, moi, je veux déménager dans ta région ou j'aimerais ça performer un peu au niveau. Est-ce que tu pourrais me suggérer ou aller dans telle place? À ce moment-là, je fais les contacts, les relations pour essayer de voir si l'athlète peut se présenter là. Mais moi, je suis content qu'il y ait des athlètes dans les différents gyms parce que c'est à améliorer chaque gym à pouvoir augmenter leur qualité d'expertise envers les athlètes et ça les force aussi à vouloir apporter d'autres gens, peut-être professionnels, pour eux-mêmes s'améliorer en tant que gym. Alors moi, j'ai pas de problème. J'ai pas de problème. Chaque gym, pour moi, sont tous compétents l'un que l'autre. Il suffit juste qu'ils s'adaptent et comme tout individu, de prendre les forces et les faiblesses. Puis quand tu as une faiblesse dans un domaine, bien, ils vont chercher l'expertise. Ils l'améliorent. Dans des fight clubs, ils le font beaucoup parce qu'ils font beaucoup venir des gens pour des séminaires et ainsi de suite. Fait qu'ils veulent pas, ça force les athlètes à s'améliorer. Et un jour, le Nordic Fight Club aura peut-être autant d'athlètes que Tristar ou BTT sur la scène des combats professionnels. Je le souhaite à tout le monde. Oui, on se le souhaite, surtout Québec, c'est une très belle ville. Puis déjà, le Nordic Fight Club, c'est tout récent, là. C'est quoi? Ça fait 2, 3 ans, pas beaucoup plus que ça. Mais bon, il y a quand même eu un historique là, de MMA à Québec. Il y a eu avant, je pense, Team Union avec Patrick Côté, puis les frères Lagacé qui étaient là au départ. Mais ben, effectivement, puis là, ça continue. Il y a le Nordic Fight Club, il y a quelques autres écoles de MMA également à Québec. Et on est fiers de voir des Guillaume Fortier, puis Guillaume de Lorenzi, puis j'ai oublié un autre Guillaume aussi, Vigneault. Guillaume Vigneault. Ouais. Alors, ben, ça fonctionne bien pour le Nordic Fight Club. J'aimerais parler d'un autre de tes clients à qui on a parlé il y a quelques temps, Martin Désilets, qui va combattre face à Victor Valimaki. Oui, enfin. Oui, enfin, effectivement. Je pense que Martin l'attend depuis longtemps, ce combat-là. Puis on a eu l'occasion de parler avec lui qu'il y a des possibilités ou il y a des discussions peut-être pour un événement au Japon. Est-ce que tu as des nouvelles un peu là-dessus, Joey? Non, pas présentement. Je vous dirais que beaucoup d'organisations présentement y attendent de voir la performance de Martin contre Victor Valimaki. On sait très bien que Victor Valimaki est un des athlètes de haut niveau au Canada. Alors, si Martin est en mesure, et je le crois, je suis sûr à 100% que Martin va être en mesure de battre Victor Valimaki, à partir de là, on va être en mesure de pouvoir évaluer la situation et voir avec quelle organisation Martin pourrait se retrouver. J'ai déjà eu des demandes de d'autres organisations. Mais comme je dis, ils attendent tous de voir la performance. Suite à ça, on va voir, c'est peut-être au Japon, c'est peut-être en Amérique, parce que Martin, dans la catégorie qui, il n'y en a pas beaucoup. Et Martin est très explosif, très visuel en plus, fait qu'il y a une image qui fait que Oui, c'est ça. on peut travailler sur le marketing avec lui qui va pouvoir aider les organisations. tant au niveau international. Ça fait que ça va l'aider beaucoup. Cette victoire-là, à mon avis, va lui ouvrir les portes. Pas un pendant d'or, là, mais je vous dirais que ça va être très, très lucratif pour lui par la suite parce qu'il va pouvoir un peu monnayer sur cette performance-là. Et lorsqu'il nous a parlé du Japon, c'est drôle, mais j'ai trouvé, là, j'avais jamais pensé à ça, mais il me semble que ça fit bien Martin Desilets au Japon, parce que Martin, c'est un gars spécial, là, impulsif, puis les Japonais aiment ça, les combattants qui sont techniques. Bon, Martin, c'est pas le plus technique au monde, mais il y a beaucoup de personnalité, qu'on puisse l'aimer ou pas. Il laisse personne indifférent. Puis, il me semble, je le verrais bien, moi, sur la scène japonaise. Oui, surtout que les Japonais sont forts. C'est les palettes de couleurs, j'appelle, soit avec des masques ou des entrées loufoques un peu en tant que tel. Là. Ils aiment ça mettre un peu plus que juste le combat. Ils mettent un peu d'ambiance alentour de l'événement. Oui, c'est vrai. Je crois, Martin, il pourrait fitter parfaitement dans le genre, dans les événements. Chénière, qui ferait des pantalons pour matcher? Oui, sûrement, sûrement. Non, c'est sûr que Martin, ça serait très drôle, puis j'aimerais ça voir Martin voir comment il pourrait se mêler à la foule japonaise en tant que telle. Ça serait drôle, ça serait très bon. Et toi, comment tu fais pour valoir tes clients à toi, à des plus grandes organisations? Parce que des organisations, justement, comme le Japon, tout ça, ils doivent être approchés par des centaines quasiment d'agents de partout en Amérique, partout dans le monde. Alors, comment tu fais pour valoir tes gars plus que les autres? Ben moi, c'est parce que c'est par rapport à mes contacts. Comme vous savez, j'ai déjà été dans l'organisation TKO, j'ai été dans l'organisation XMMA. Fait que c'est sûr qu'avec les années, ça va faire ma sixième année que je suis dans le domaine. Fait que j'ai eu des relations avec plusieurs personnes à travers le monde. Fait que quand j'ai décidé de devenir gérant de combattant, j'ai recontacté ces gens-là, je lui propose mes athlètes. C'est plus facile. Je vous dirais qu'après avoir été au bord de la clôture au niveau du matchmaking, on a tendance beaucoup à garder des relations ou à parler souvent avec les managers qu'on a plus de facilité au niveau de la négociation, au niveau de tout ce qu'il va faire pour que les athlètes puissent se présenter. Je me sers beaucoup de ces contacts-là, c'est sûr. J'ai pas un avantage sur d'autres, c'est juste que je me sers de ça, puis les gens, quand je les appelle, ils font pas « Je vois Benoît, t'es qui toi? » ou « Tu viens de où? » Non, ils me connaissent, fait que il y a une discussion qui se fait un peu plus rapidement. Et les plus grandes organisations, ils envoient-tu comme des scouters, si on veut, comme dans d'autres sports, ou c'est fait plus par vidéo? Non. Non, il n'y a aucune organisation qui envoie des scouts en tant que tel. Tout le monde me demande, que ce soit X organisation, la première affaire qu'ils vont me demander, as-tu des vidéos, peux-tu m'envoyer des vidéos, des photos? Surtout les vidéos parlent d'elles-mêmes. C'est pour ça que les organisateurs, des fighters sont contents quand les événements sont présentés à la télévision. Parce qu'après, on peut se servir de ça pour pouvoir les présenter à d'autres. Tout se passe par vidéo. Et je vous dis, présentement, on est dans l'air de victoire, victoire, victoire, victoire. Une défaite te recule de beaucoup. Fait que chaque adversaire doit être évalué minutieusement pour être en mesure de pouvoir avancer dans les plus hautes organisations. Tu as mentionné télévision. J'imagine ça doit aider beaucoup aussi pour les sponsors une fois que le gala va être présenté à la télévision. C'est un facteur très important dans la décision d'envoyer un combattant à notre battre pour une organisation à l'autre. Je vous dirais que dès qu'on sait qu'il va y avoir une télévision où est-ce que ça va être diffusé, c'est beaucoup plus facile, premièrement, pour pouvoir, après ça, exposer le combattant face à des commanditaires. Puis en même temps, ça va permettre au combattant de se faire valoir face à un auditoire, puis il va être un peu plus reconnu face à certains fanbase, là, en anglais, on dit aux amateurs. Ça arrivait des fois qu'on a eu des offres pour des organisations qui avaient soit aucune télévision ou soit dans un endroit X. Je veux dire, c'est plus difficile parce que c'est souvent, on y va souvent juste parce qu'ils nous offrent une bourse qui est intéressante. Mais au niveau de développement de carrière, c'est un peu plus compliqué, là. C'est dur après ça de faire valoir auprès des autres organisations quand on n'a pas de visuel de qu'est-ce qui se passe là-bas. Comment tu vois l'avenir du sport en tant que tel au Québec, Joey? Parce que dans les dernières années, il y a eu des organisations qui ont réussi à faire plusieurs événements comme TKO, mais bon, malheureusement, c'est terminé pour eux. Il y a eu XMMA pendant un petit bout de temps, c'est parti également. Alors, il y a Ringside qui sont implantés depuis ben, pas si longtemps que ça, mais quand même, ils ont réussi à faire quelques événements. La MFL, ils en seront seulement qu'à leur deuxième événement à la fin février, mais quand même, le premier événement, moi, j'ai trouvé ça très bien organisé, surtout des bons combats. Puis là, la deuxième carte semble plus qu'intéressante. Ça, c'est des cartes, je pense, qui se comparent à plusieurs autres organisations, là. Puis même, je regarde cette carte-là, puis je regarde la prochaine carte de Strike Force. Puis honnêtement, je trouve que la MFL présente une carte très intéressante, avec des combats variés, puis des gars talentueux, des jeunes gars, parce qu'on a quand même beaucoup de talent ici, mais la couverture médiatique, il n'y en a pas tant, je pense, en tout cas pas suffisamment. Quand on accorde beaucoup, je trouve, de temps à d'autres sports qui, pour moi, n'en sont pas, là, comme le golf, là, mais bon, en tout cas, ça, c'est personnel à moi. Mais le MMA, on en parle très peu. Alors, ben, Oui, ma question. je suis d'accord avec toi parce que je trouve que par ce que j'ai vu à travers le Canada, on a ici au Québec un bassin d'athlètes dans la MMA incroyable. Moi, je vous dirais qu'au Canada, je crois que le Montréal et le Québec en particulier est la mecque des combattants parce que ici, la qualité d'athlètes qu'il y a est incroyable. C'est de valeur qu'il n'y ait pas plus d'organisations ou que les organisations ne puissent pas se faire plus valoir auprès des médias de masse pour faire avancer le sport. On reste toujours un peu dans le même, je dirais, dans le même cercle d'amateurs en tant que tel qui varie tout le temps de plus ou moins de 100 à 200 de chaque événement. Mais ce serait le fun que les événements soient un couvert et à plus grande échelle comme qui se fait à l'extérieur. Parce qu'ici, si les médias se mettraient à regarder un peu plus c'est quoi la qualité des athlètes qui existent, ils s'apercevraient qu'on a des athlètes incroyables. Les différents gyms produisent présentement des athlètes de haut niveau, sauf qu'ils n'ont pas la chance de pouvoir se faire valoir parce que il n'y a rien. On dirait que j'appelle ça la vieille garde. La vieille garde est encore un peu fermée. Ils ne croient pas encore que le sport est un sport du futur ou même un sport des ligues majeures. Cette valeur, un jour, ils vont se réveiller. Peut-être qu'il va être trop tard. J'espère que non. Ce sera le temps qu'ils le fassent présentement. On a des athlètes de haut niveau comme Georges St-Pierre qui nous font valoir à travers le monde, qui est reconnu mondialement. Il est plus populaire à l'extérieur qu'au Québec. C'est quand même assez incroyable, mais. Oui, effectivement. Puis Guillaume de Lorenzi, c'est un gars, tu sais, côté athlétique, là, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'athlètes qui peuvent se comparer à des gars comme Georges St-Pierre, ça c'est évident. Puis Guillaume de Lorenzi, puis on en a plein d'autres, là, Jonathan Goulet, Patrick Côté. Le MMA, évidemment, c'est un sport extrêmement exigeant côté athlétique, mentalement également. Moi, je vois pas d'autres sports qui sont aussi exigeants, que ce soit physiquement ou mentalement. Malheureusement, les médias accordent pas beaucoup d'importance au MMA. En tout cas, moi, je pense suffit pas assez. Alors que, bon, la boxe, quand même, est bien couverte. Tu sais, il y a eu le combat de Lucian Bouté ici à Québec, au Colisée. On a rempli le Colisée. Il y a eu des émissions spéciales. Le combat a été présenté en direct à la radio sur CKAC à Montréal. Ici également à Québec, sur Québec 800. Est-ce que ça, c'est le genre de choses qui pourraient se faire éventuellement? Présenter des combats de MMA en direct, soit à la télévision, pas nécessairement sur le pay-per-view, et également peut-être à la radio. Moi, je suis un grand amateur. Lorsqu'il y a de la boxe à la radio, j'aime ça, voir comment ça se déroule, puis l'ambiance. Puis évidemment, tu sacrifies peut-être qu'il y a des gens qui n'iront pas voir ton événement. En direct dans un amphithéâtre, mais ça fait connaître le sport, puis je pense à long terme, ça peut être payant. Est-ce qu'il y a des manières créatives comme ça pour que le MMA gagne un petit peu, aille chercher des nouveaux adeptes? Ben, je vous dirais que présentement, c'est sûr, c'est pas avec le fanbase en tant que tel que ça va être possible de faire parce qu'il n'est pas assez élevé. Les organisations n'iront pas risquer d'aller mettre en onde en tant que tel les événements live parce que par peur de se retrouver avec des événements que personne dans les affaires et que tout le monde les écoute, soit à la radio, soit à la télévision. Mais si un jour on finit ou soit une organisation peut finir à se structurer assez, avec des moyens financiers pour être capable de mettre en place un marketing et une publicité adéquate pour augmenter la foule et faire en sorte que des gens de Chicoutimi, Rivière-du-Nord, ce soit de l'Abitibi, ce soit de Tetfermine, qui ne puissent pas se présenter, mais puissent l'écouter et faire en sorte que l'organisation va pouvoir en profiter, parce qu'on sait très bien qu'il faut qu'une organisation, c'est une business, il faut qu'ils fassent de l'argent pour être capable de pouvoir grandir. À force de penser grand, ils vont finir par être grands. À force de penser petit, ils vont rester petits. Mais pour ça, il faut tout travailler dans la même direction. Fait que présentement, la foule n'est pas là pour être capable, pour que les autres puissent commencer à penser, à commencer grand. Et c'est normal parce que, comme on le dit, le média de masse, ça veut dire c'est la masse du monde. Mais beaucoup de monde ne sont même pas au courant encore qu'est-ce qui existe au niveau des combats professionnels. Si un jour ils pourraient finir par embarquer là-dedans, à ce moment-là, ils pourraient, les organisations au Québec, commencer à penser à ouvrir le palette de couleurs et à dire on pourrait peut-être vous offrir la radio, des combats à radio en direct. Ça serait une très bonne idée. Mais présentement, ils ne sont pas rendus là. On est encore à courir après un client pour être sûr qu'il soit là. Ce qui est complètement absurde quand on sait que le sport est connu aux États-Unis, à travers l'Asie, est développé incroyable. Ici, on a de la misère. Puis on a des champions. Fait, tant aussi longtemps que je crois que le média de masse n'embarquera pas là-dedans, ça va être toujours un peu difficile au Québec d'arriver à promouvoir à haute échelle. Et un jour, peut-être, mais espérons, ça force de convaincre. Peut-être quand la vieille garde, comme je dis, qui sont dans les médias présentement, ils vont débarquer les nouveaux qui vont être là, parce que les nouveaux, ils commencent à donner des petits signes de reconnaissance envers le sport. Ils aimeraient ça d'en parler un petit peu plus. C'est sûr que quand c'est temps. C'est un emploi d'une firme, puis que les autres sont un peu formés, ils lui ferment la porte, mais tranquillement, pas trop vite, ils vont devenir à la tête de ces des entreprises-là, ils vont devenir dirigeants. Et les autres, vu qu'ils ont déjà une ouverture, ils vont être en mesure de peut-être ouvrir les portes à une plus grande couverture sur le sport. Oui, puis là-dessus, moi, je pense à Martin Lemay, qui fait un bon travail, je trouve, assez cassé. Oui, exactement. On pense tout le temps au même parce que malheureusement, il n'y en a pas assez. Puis peut-être ce qui ferait le plus grand bien au MMA québécois, c'est que la Ligue nationale de hockey fasse encore une autre grève. Parce que, c'est bien beau le Canadien, puis on comprend que c'est le sport d'importance ici au Québec, le hockey, puis la Ligue nationale, puis le Canadien de Montréal. Mais là, des émissions, tu sais, c'est quoi assez? Sur peut-être 12 heures dans une journée. Probablement qu'ils vont vous en parler pendant 11 heures et demie, là. Puis l'autre demi-heure, c'est le matin, là, j'imagine, où ils doivent encore parler de produits de bois de velours, là, puis ces affaires-là. Or, effectivement, je pense qu'il est temps que nos médias prennent ce sport-là. Il faut qu'ils embarquent, parce que si les autres embarquent, tout le monde va embarquer, on le sait, c'est un courant, comme dans n'importe quoi. Dès qu'il y a un courant positif, dès qu'il y a un courant que le monde il s'intéresse, tout le monde va être là, tout le monde va aller voir, il va avoir un intérêt, il va avoir une attraction de voir ce qui se passe. Ils vont s'apercevoir que nos athlètes en MMA sont super athlétiques, sont super compétents, sont incroyables. À partir de là, ils vont peut-être même s'ouvrir sur d'autres choses. Ouais. Et s'ouvrir sur le sport international, s'ouvrir sur qu'est-ce qui se passe à l'extérieur, ça va faire en sorte que ça va peut-être aider d'autres organisations à grossir. Mais là, présentement, c'est qu'elles sont même pas présentes. Il faut convaincre chaque personne, puis c'est difficile. J'ai des demandes pour faire des entrevues, puis quand on leur dit, allez-vous venir à l'événement, ils nous disent non. Mais ils veulent savoir, ils veulent avoir les résultats, mais ils sont pas présents. Il va falloir les convaincre et leur dire que c'est une occasion en or de venir voir nos athlètes. Et qu'ils vont revenir après, puis ils vont, comme on dit, en parler à une personne, ils vont en parler à 10. Fait qu'il faut convaincre chaque personne pour qu'après ça, ils en parlent à 10 personnes. C'est-à-dire, il faut offrir un produit de main d'autre. Tu parles. Des compétents et des match-ups. Compétents aussi. T'as parlé de l'athlétisme. Moi, je vais rajouter une autre chose que je trouve qui devrait être couvert, c'est que la majorité des gars dans le MMA, des combattants, c'est du monde extrêmement intéressant aussi à écouter parler. Toutes les entrevues qu'on a eues, c'est des gars bien ouverts, ils fuient pas les questions et tout, puis on retrouve pas ça dans tous les sports. Alors ça, c'est un autre aspect, je trouve, qui devrait être... Les médias devraient nous donner ça, parce que les gars de MMA, c'est certains des athlètes les plus intéressants à entendre parler. Oui, parce que présentement, ce qu'on a sur le marché, c'est qu'ils pensent tous que les combattants de MMA, c'est des batailleurs de rue, puis qu'ils ne savent pas parler, qu'ils sont pas intelligents, et ainsi de suite. Pourtant, c'est le contraire. C'est vraiment le contraire. Souvent, comme vous l'avez vu, vous faites des entrevues avec ces athlètes-là, vous vous apercevez qu'ils ont soit tout un emploi, ils ont soit toute une formation académique en tant que tel, ils sont capables de parler clairement, ce qui n'est pas dans d'autres sports. Des fois, on a de l'air à les entendre. Ils sont capables de bien exprimer, ils sont capables de vendre leur sport, eux autres sont capables de dire ce qu'ils ressentent quand ils font un entraînement, de vivre qu'est-ce qu'ils vivent pendant un événement, un combat, face à l'adversité qu'ils ont eu. Comparativement à d'autres sports, on a de la misère à comprendre ce qu'ils veulent dire ou à vivre ce qu'ils ont vécu dans leur dernière performance. Nous autres, on l'a. C'est tous des gens qui sont dédiés et puis qui sont... Une des raisons, à mon avis, c'est parce que l'MMA est pas juste dans une discipline. Fait qu'il faut qu'il se développe dans plusieurs disciplines. Faut qu'il apprenne différentes mentalités. Veut pas sa force dans le, intellectuellement, eux autres, à se développer et à vouloir apprendre de plus en plus. Et plus que tu apprends, plus que tu es en mesure d'expliquer après ça ce que tu as compris et à pouvoir verbaliser ça avec les gens qui sont autour de toi. C'est une force, le MMA. C'est des gens très compétents puis athlétiquement sont là, mentalement sont vraiment à leur coche. Faut en profiter, faut les exposer face au monde pour qu'ils comprennent que ces athlètes-là, c'est de la crème, c'est de l'or en barre. Faut en profiter. Ben ça, c'était vendeur Joey Benoît. Puis on va s'arrêter là parce que c'était tellement des belles paroles. Puis c'est un appel, je pense, aux médias de masse. Puis moi, je suis convaincu parce que c'est inévitable que ces gens-là vont s'en rendre compte que ce sport-là, c'est pas un sport de barbares. Ce sont les meilleurs athlètes au monde. Puis arrêtez de me parler de Tiger Woods. C'est peut-être bien un bon golfeur, là. Mais le golf, là, moi, pour moi, je considère le golf comme les darts ou comme le bowling. T'sais, ça demande peut-être beaucoup de concentration puis un mental puissant, mais quand même, là, quand on parle d'un vrai sport où, qui exige des capacités physiques hors normes, je pense qu'il n'y a pas plus complexe et puis demandant comme le MMA. Non, il n'y a rien qui se compare à ce sport. C'est le meilleur sport au monde. Alors, un grand plaisir de te parler, Joey, puis on a hâte de pouvoir se reparler parce que ce sport-là mérite qu'on en discute de plus en plus. Alors, merci beaucoup. Au plaisir, au revoir. Merci beaucoup, Joey.